100% rap français, Planète Rap. La Nocturne. Et c'est parti pour la Nocturne 100% rap français sur Skyrock. Nocturne avec Monsieur Kéfir. Yeah. One mic. Ça va ou quoi? Ouais, ça va, et toi Frédérico? Fin de la Nocturne spéciale Kéfir. C'est déjà fini, c'est fou comme c'est passé vite en fait. Bon, ça va Kéfir. Alors Kéfir, je vais vous le présenter. Ce mec-là, vous l'entendez parfois si vous connaissez Planète Rap. Il vient freestyler, mais il a aussi une carrière d'artiste. Hein. Il sort ses projets en indépendant, du côté du 4-2, du côté de Saint-Etienne et d'ailleurs partout hein, maintenant, dans toute la France, puisque tu les mets sur les différents comment dire, portails. Les différents moyens. Plateforme, ouais. Plateforme. Bien joué, merci. T'as un mec 2.0, c'est bien. Donc ça s'appelle Kéfir et ouais. Un projet qui est dans les bacs aussi. Yes, le projet donc j'ai un projet solo, c'est Cahier Intime qui est sorti en 2012 et là je reviens justement pour le EP One Mic qui est sorti il y a un mois environ. Ouais. Voilà, et donc. Et puis je t'avais toujours dit, tu viendras faire une Nocturne, ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Ça a été compliqué, hein. Ça a été, pour arriver de Saint-Etienne, c'est quoi, Saint-Etienne? Saint-Etienne, ouais, Saint-Etienne jusqu'ici. faut expliquer les péripéties. Bah, on est monté avec une voiture d'un collègue, il y a pas qui. Une voiture indépendante. Très indépendante. Une R21 Nevada Break, pour les connaisseurs. Voilà, un classique. Voilà. D'ailleurs, on recherche un garagiste spécialiste en Nevada 21. Donc, s'il y a un mec ce soir, hésitez pas, un 41-759. Parce que je crois que vous allez rester à Paris, en fait. Mais grave. En plus, tu sais quoi, c'est vraiment sérieux. Ouais. S'il y a un garagiste du côté de Ozoir-la-Ferrière, ça serait nickel. Bon, bah, un gars du 77 là, qui sera à l'écoute, envoyez un message 41-759. Quelques péripéties, faut réparer une Renault 21 dans le week-end. Sinon, il reste à Paris. Sinon, on vous adopte, les gars. Bon, bah, bienvenue, Kéfir. Ça fait plaisir de t'avoir, en tout cas. Moi, ça fait super plaisir. D'être là vraiment depuis le temps. Ouais, ouais, depuis le temps que tu freestyles, depuis le temps que tu déchires tout. T'es une vraie encyclopédie du rap, tu connais tout le rap français sur le bout des doigts. Ouais, ouais. Ou presque. Ou presque, vas-y. Et bah tiens, salut aussi un petit peu l'équipe qui est avec toi. Ouais, je vais présenter, bah déjà à ma gauche, il y a SP qui fait partie du One Mic. Voilà, qui fait partie du coup. One Mic, c'est quoi? C'est un collectif? C'est le collectif, ouais. D'accord. Ouais, voilà, c'est un collectif de MC qui vient de Saint-Etienne, Valence, et etc. Et du Sud. Et donc, je vais présenter d'abord le One Mic et après, il y aura les spéciales invités qui étaient sur justement le EP. Là, on a Marche à l'ombre qui est connu beaucoup pour ses battles freestyle sur les rap contenders, etc. Punch League. Bienvenue, ça va? Bien. Eh ben écoute, bien, en pleine forme. Ouais, toujours. Voilà. Il y a Médric, un MC qui fait partie du One Mic, mais qui n'a pas pu venir lui pour raison de santé. Ouais, il y a pas que les voitures qui sont malades chez nous. Salut, on lui souhaite que ça aille mieux surtout. Ouais, grave. Donc là, il y a Diogène, c'est un beatmaker du crew. Et voilà, c'est l'initiateur et un pilier du One Mic. Et là, t'as Pyroman aussi, qui c'est un initiateur et un pilier du One Mic. Voilà, c'est deux beatmakers, deux gars qui taffent ensemble et voilà, tout le temps ensemble. Et là, on a deux invités qui sont sur le EP. Il y a Vicenz, qui vient de Clermont-Ferrand. Rap Contenders aussi. Et ben voilà. Exactement. Pareil. Et on a l'ami qui vient justement d'ici, de Paris, et c'est l'ami Diomaï. Qui va vous sauver pour ce soir. Exactement. Et qui vous met bien. Bah, bienvenue à tout le monde, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, l'important de la Nocturne, c'est aussi mettre en avant les talents, qu'ils soient de Paris, de Marseille, de... Clermont-Ferrand, de Brest, de Valence et de Saint-Etienne ou la région. Donc ce soir, le 4-2 à l'honneur avec toi, Kéfir, on va écouter beaucoup de tes morceaux, il y aura du live aussi. Yes. On va voir ce que ça donne un petit peu en live. On saura ça. Ouais. Les messages, c'est 41759 avec le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock. Tiens. Il y a un message qui arrive pourtant en disant Kéfir, à l'époque, t'étais dans la classe de ma sœur. Ah ouais. Les dossiers arrivent déjà. Ah ouais, d'accord, je vois. Et bah, allez-y, okay. Balancez les messages. T'es dans le studio, t'es bien, ça va, tout se passe bien? Ouais, nickel. Pour une fois par téléphone, ça change quoi. Il n'y a pas de latence là. J'entends ta voix et je peux te répondre. Et sans... tu me vois directement. Et je te vois, ouais. T'as vu le beau gosse? Ah, bon, si on passait. Poivre et sel. Voilà, c'est ça. What else? Bon, on attaque la Nocturne? Nickel. Voilà, pour avoir un aperçu de Kéfir, le mieux c'est de balancer un son. C'est associé du mic. C'est bien ça? Yes, associé du mic. Qui dessus, en feat, tu auras Misak. Et Misak, c'est tout. Eh ben, c'est pas mal aussi. Yes, qui fait partie de l'animal. Ne sois pas sûr de toi comme ça, petit. Nocturne, Kéfir au contrôle. N'attire jamais l'attention sur toi, c'est une erreur, mon ami. faut que tu apprennes à te faire humble. Le mec inoffensif. T'attends le bonheur, on est beaucoup sur la liste. J'ai pas pris le micro pour répandre le mal, ni te mentir comme un journaliste. Petit, fais gaffe à pas t'égarer. T'entends ma voix, reste vrai, car si tu franchis le pas, t'es canné, ça se voit. Même l'affaire, elle tourne pas rond. Les petits n'ont plus de respect pour personne, et même pas pour leur daron. C'est pas marrant, j'déprime à défaut de péter un plomb, toi. Plein de préjugés, t'as dû penser que j'étais inconscient ou que j'étais un con. Dis ce que j'pense, je le fais pas en hésitant. Laisse-moi cogner l'instrumental comme si c'était le nez du président. Y'a rien d'excitant, fantasmé sur des gens que tu connais pas. Y'a pas de carrière dans le rap, y'a que des faux départs. Il maquille leur lacune derrière un flot des bars. On a compris le manège, le malaise étant qu'on se contredit à force de troller par. Ces voix sur rap français de merde, ça pue, je reste dans mon coin. Les mecs s'approprient la rue au point de se balancer eux-mêmes. Personne ne regarde. Tu sais, le connard, le lépreux, le pecno un peu demeuré, regarde-moi. Je suis sous-estimé depuis le premier jour. Vas-y, laisse tourner la prod que je la décapite. Je te braque Louis, 16 mesures à fuite. Et car j'ai ce mec qui s'applique. Et je vous emmerde tous, je fais du ménage. Alors faites passer le message ou connectez-vous en Bluetooth. Je sais pas, c'est lui que tu désires, comme ta mère à ta naissance. Plus tu m'écoutes et plus tu vrilles. Car tu vois que moi je me défonce selon le microphone. Toi tu restes bouche bée, je me débouche et tout ça coule. Ou va mumuse avec ta poupée. Je t'annonce la couleur, allume tes haut-parleurs. Je suis pas un beau parleur, c'est juste du son, on prend pas peur. Moi je sais où je vais, si t'aimes hap, je fais que mon. Allume le mic, prends la frappe et va faire un coulo. Je veux que tu bouges la tête avec ou sans Universal Music. Si la passion c'est le moteur, moi je fais péter la turite. Je n'attends rien d'autre de ce foutu RAP. Donne-moi un mic, une scène et avec mon crew on va s'en charger. T'as l'impression d'être devant le maître de l'univers, toi, quand tu me vois. Kéfir, c'est ta seule et unique faiblesse pour autant que je te connaisse. One de quoi vous parlez? De ton look. Toi t'es content toi, mais moi je fais confiance à l'auditeur. C'est mon contre-emploi, je me déploie pour plaire aux chroniqueurs. Balancer des trucs purs, c'est la devise de l'équipe. Produire des beats et des kicks sans la moindre structure. On se procure notre propre promo et propre topo. On avance face à trop de murs. La vérité, on a le salaire de l'intermittence. L'impertinence ne paye pas, ne fais pas si t'en avais l'idée. Interdistance, depuis l'époque des boom, j'rappe. Adolescence, étalée sur des prods boom bap. Y'a les MC sous tous leurs valeurs, j'ai côtoyé. Trop de photocopies avec le discours que t'en croyais. Ça fait bla bla bla. Je me suis octroyé le droit, droit, droit. Et le flow qui les atomise ramène tous mes protagonistes au toit. Je vais les foudroyer, qui que vous soyez. Je reste impossible à soudoyer. Le macho de Floride. Marcelo. Qu'est-ce que tu nous fous? Je vous demande pardon, madame, je crois que j'ai laissé mes bottes sous votre pieu. J'ai jamais travaillé avec un jury sans femme. Oui, mais tu sais ce qui te manque. Une capuche sur ma tête de Babtou. Un 16 mesures mon refuge. Comme juge de trop, je te jure que j'éclate tout sans scrupule. Le sens-tu? J'ai le sens de la formule et le sens, je suis sale sens-tu. Pour tuer mes rêves, faut me tirer dans la tête. Sauvage et femmes sont attirés par la bête. Pas dit que je baisse des buts. Je suis un bon père famille, mais quand je kick, je suis pire que Belzébuth. Ouais, ma rime déclaque à coup de pelle. Si tu me cherches, on te retrouvera dans un sac poubelle. Six pieds sous terre, sur ma tombe, on dansera incantation et récitation de mes bootlegs. Même une tête d'ange à bouclette, peut-être le fils du diable. Si je tue sous le syndrome de la tourette, serait-ce discutable? Je vis, tu meurs, au suivant. Le fossoyeur se creuse la tête pour t'enterrer vivant. Il te manque ce que moi j'ai. Il y a cette superbe fille là qui vient de me baiser de toutes les manières possibles et imaginables. On a terminé. Elle marche vers la salle de bain, elle essaye de marcher, elle se retourne. On leur a dit de se défoncer au taf. Mais ils ont rien compris comme toi quand t'as sucré ton pote qui t'avait dénoncé au star. Et je les entends en coulisses tenir tes propos plus pompeux. Mec qui s'enfonce tout seul comme un homo avec une longue queue. Je tiens la route mieux que le service circulation des condés. Un lâche s'appelle un lâche parce qu'il hésite pas à te laisser tomber. Yo, je vois le temps passer, je me dégrade mais on sent pas les couilles. Je croquerai dans la vie avec les dents cassées. Ne spécule pas sur nos gains. On se nourrit pas de clics, pas de jus de bite ni de sang sur nos mains. Eh oui, ne sois pas hautain ou j'irai à ton enterrement même si logique. Du coup toi tu viendras pas au mien. Cette bande de putains pense que faire la potiche s'impose. Elles vendent leur dignité pour faire face au prix de l'impôt. Sa mère la pute, sa mère la pute, sa mère la pute. Ça me donne envie de baiser tout le monde comme un hermaphrodite n'info. Et c'est moi. C'est pas toute une armée qui lui est passée dessus. Il n'y a que moi. Et sur son visage tu vois s'inscrire. Mais comment diable est-ce possible? C'est ma main qui fait sourire la Joconde. Je prends par surprise, Kevin. Les gens ne me voient pas venir. Voilà ce qui te manque. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Yeah, sale quart d'heure. One mic. Putain, quel rime de bâtard. Bâtard. Putain, quelle rime de bâtard. Pour mieux définir ce que je vis, je te pose la question, la réponse est-elle dans le conflit? Un peu plus fort après chaque échec, et je sais que sans cette force de réaction, c'est le bas de l'échelle. Eh mec, je tise pour noyer mes soucis. J'ai vu la lumière en pleine nuit, un second souffle éteignit la bougie. Il n'est jamais trop tard pour aller autre part. Le brouillard ne me fait pas peur, les trouillards meurent dans leurs cauchemars. Et je marche à l'ombre. Et parfois je tombe, je touche du bois, rien de cassé jusque là, juste ma voix. Porte ma croix, et je recompose dans les décombres, j'évolue dans la pénombre. Mes pensées valent de l'or, ma boîte crânienne un coffre fort. Un cœur qui bat pour me faire vivre et je ne vis que pour aimer. Je tiens le coup, tant que je sens mon pouls, j'avance mais elle est où, y'a qu'elle qui puisse m'aider. Et quand la vie te frappe, c'est dur mais on décide pas. Sujet délicat, je pensais pas à tomber si bas. Dans mon désarroi, je fais le point. Résumé en 15 minutes, ce serait un sale quart d'heure durant lequel je ferme le point. Quand la vie te frappe, c'est dur mais on décide pas. Je connais le chemin de la cave par cœur tellement que je suis tombé si bas. Dans mon désarroi, je fais le point. Résumé en 15 minutes, ce serait un sale quart d'heure durant lequel je ferme le point. À chaque coup dur, c'est les coups de blouse qui s'étoffaient. Comme tout, je m'en étouffais, camouflé de sales coupures à coup sûr. Je suis sur le podium des jeux FIFAS, car aujourd'hui je me rabaisse face à trop d'hommes fort en surface, je veux réussir, fonder un foyer. Je veux tenter tout ça, pas l'intention de m'apitoyer. Je pense au noyer de Lampedusa. Ma vision est floue, mais mes idées restent clairvoyantes. J'ai décidé de guider tous mes rêves en terre gagnante. Je suis pas un Golgoth, j'affronte mes obstacles prolétaires. Je peux t'épauler, frère, avant que ta déchéance se colporte. J'ai frappé à temps de fort, toujours déçu par le résultat. J'ai plus la force de courir et pourtant, je tente l'or. J'accepterai l'échec une fois reclus dans mon vide amer. Déjà t'es du petit mec sur la vie de ma mère. J'ai plus d'une discorde à mon arc, pas prêt de changer d'un iota. Plus de conflits dans le quota et moins de croyance en mon art. Et quand la vie te frappe, c'est dur mais on décide pas. Sujet délicat, je pensais pas à tomber si bas. Dans mon désarroi, je fais le point. Résumé en 15 minutes, ce serait un sale quart d'heure durant lequel je ferme le point. Quand la vie te frappe, c'est dur mais on décide pas. Je connais le chemin de la cave par cœur tellement que je suis tombé si bas. Dans mon désarroi, je fais le point. Résumé en 15 minutes, ce serait un sale quart d'heure durant lequel je ferme le point. Je suis sorti de la merde mais je reste toujours en sursis. Pour que ma vie devienne douce, je me suis endurci. Du repli stratégique, oui, mais jamais de fuite. Jamais. J'suis tombé 7 fois et me suis relevé 8. Et pour ces mauvaises choses, je prends fait des causes. Et j'en fais des pros, ce fumier et l'engrais de mes roses. Longtemps mon propre chemin fut piste légère. Mais... seuls les enfants gâtés ont des itinéraires. Pour me construire, je n'ai pas triché. L'amour n'est pas dans le préfabriqué. Alors que je m'estime audible, je suis incompris, pauvre type. Des fois, c'est en chien pour la brigatine au fil. Trop contre con, y'a personne que je puisse juger. Je suis roi sans couronne, ni royaume, ni sujet. Pourquoi je le rappe ici, ouais. Récite mes malheurs, bah. C'est comme le métal, c'est dur de le faire ailleurs. Et quand la vie te frappe, c'est dur mais on décide pas. Sujet délicat, je pensais pas à tomber si bas. Dans mon désarroi, je fais le point. Résumé en 15 minutes, ce serait un sale quart d'heure durant lequel je ferme le point. Quand la vie te frappe, c'est dur mais on décide pas. Je connais le chemin de la cave par cœur tellement que je suis tombé si bas. Dans mon désarroi, je fais le point. Résumé en 15 minutes, ce serait un sale quart d'heure durant lequel je ferme le point. La vie ne m'a fait aucune fleur, pas de texte écrit à l'arrache, même si dans mon cahier il manque une feuille. One mic, 90 MC, tu m'as pris pour un Mac. Life is bitch, la vie est ainsi. Séparer les flots, c'est raté, frère. Parcours interminable, piano. Du rap et faire. On veut devenir des parents modèles. À rapper avec des gosses, j'ai perdu mon temps, mais pas mon level. Ce sera mieux demain, gare au message d'avant. Joe, my dernier survivant de la planète des singes savants. En cherchant l'or, parfois nous doutons. Changement de décor, y'a que des chevaliers, du signe du mouton. Le fruit de mon travail, y'a pas un pépin. Laisse les MC faire concurrence aux lapins crétins. Au lieu de changer la donne, ils ont repris de la coke. Si j'abandonne, ce sera un scandale, Olivia Pope. Et quand la vie te frappe, c'est dur mais on décide pas. Sujet délicat, je pensais pas à tomber si bas. Dans mon désarroi, je fais le point. Résumé en 15 minutes, ce serait un sale quart d'heure durant lequel je ferme le point. Quand la vie te frappe, c'est dur mais on décide pas. Je connais le chemin de la cave par cœur tellement que je suis tombé si bas. Dans mon désarroi, je fais le point. Résumé en 15 minutes, ce serait un sale quart d'heure durant lequel je ferme le point. C'est la Nocturne, 100% rap français avec Kéfir au contrôle de la Nocturne. C'est lui, il s'appelle Kéfir, alors K-E-F-Y-R pour le retrouver sur le net. Yes, K-E-F-Y-R. Voilà. Voilà, comme ça s'appelle. Comme ça se... prononce peut-être. Comme ça se prononce, pardon. Et One Mic, c'est O-N-E-M-I-C. Ouais, ça c'est le collectif avec yes. Qui tu es, il y a pratiquement tout le monde. Il y a pratiquement tout le monde, ouais, il manque que deux personnes, mais il y a pratiquement tout le monde. Médric Smad. Voilà. Qu'on salue. Tu veux dire quelque chose, Kéfir? Je vois que tu as un album. Ouais. C'est quoi, c'est le EP? Yes, non, c'est pas le EP, c'est l'invité Joe Mike qui a sorti son album où justement on est dessus. Il y a deux membres du One Mike et dont le beatmaker. Ça s'appelle Le Gaucher et c'est sorti en février. Février 2014. Vas-y, je t'en prie, parle. Et on peut le trouver encore. Ouais, bon, bonsoir. Bah, bonsoir, moi, c'est Jumai. Yeah. L'album est sorti en février 2014, comme Kéfir l'a dit précédemment. On peut le trouver sur Deezer, iTunes. On l'a distribué en indé, en Fnac aussi. Et voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Et on a déjà sorti plusieurs clips extraits de l'album. Cet album, c'est l'album Le Gaucher. On peut retrouver des membres du One Mic Crew dessus. Kéfir, Médric. Et voilà, Diogène à la prod. Kéfir, parle-nous un petit peu, toi, de ton CV, ton histoire dans le rap. Ça débute quand, du côté du 4-2? Alors, franchement, ça commence depuis... Ça fait... Oh là là, je rappe depuis... En fait, je sais même plus depuis quand je rappe. J'ai plus, en fait. Yes. Quand t'as commencé à marcher. En fait, je me suis jamais dit... un moment, je me suis jamais dit, allez, là, je commence le rap. C'est venu vraiment petit à petit. J'ai commencé à écrire, etc. Et après je connaissais un tel qui faisait du son machin. Après j'ai rencontré Diogène, on a fait des sons ensemble et c'était mortel. Et j'écoutais beaucoup de sons, beaucoup de rap français. Ouais, j'en c'est ai quoi vraiment... les influences toi, c'est quelle époque pour situer? Ah, pour situer, bah époque beaucoup 97, 98, ouais. 99. Voilà, j'ai 2000, 2001. Donc il y a du Mafia Quinfré, il y a voilà. Lunatic l'album. Voilà. Exactement. Il y a Sector A aussi à cette époque. Sector A, il y a Troisième œil, Funky ouais. Family. FF évidemment. Voilà, il y a tellement Arsenic Fab. Fab, bien sûr. Rossé. Mmh. Fab, bien sûr. Voilà, il y a. J'écoutais beaucoup La Nocturne aussi à l'époque. Beaucoup. J'étais sur mon poste cassette Iowa auto reverse et je mettais play quand il y avait la Nocturne et j'étais super content parce qu'il y avait vraiment des titres que j'écoutais nulle part ailleurs parce que en province on n'a pas d'autres radios que Skyrock qui passe du rap, donc forcément on écoute ce qu'on nous donne. Et en rap j'étais là, j'ai à chaque fois que la Nocturne commençait je mettais play, enregistre et play en même temps, les deux boutons pour ceux qui connaissent. Tu dois avoir de ces dossiers. Ah ouais, j'ai de ces trucs. D'ailleurs, Frédérico. Date de cette époque, oui, je te remercie. Bon, bah, en tout cas, là, c'est toi. Maintenant, tu y es. On est en 2014. Quelques après le contrôle de la Nocturne avec One Mic. Yes. Sur Skyrock. On va repartir. Il y aura une grosse session live dans quelques minutes, hein, une vingtaine de minutes à peu près. Yes. Le temps d'écouter d'autres morceaux. Il y a le EP qui est dans les bacs. On peut cliquer. Yes, le EP, il est dans les bacs. Vous pouvez le trouver sur iTunes, Amazon, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Tu peux le trouver, tu cliques, voilà. Sinon sur Facebook, tu nous retrouves One Mic, tu nous dis voilà, je serais intéressé pour un scud machin. Tu peux, de toute façon, tu tapes One Mic, tu peux le trouver. Tu tomberas sur Nas. Hein, et d'abord. Pour te suivre, toi, Kéfir, file les adresses pour te suivre aussi. Alors moi, c'est le Facebook, c'est Kefyr. Voilà, sur Facebook, vous pouvez me trouver sur MySpace, mais bon, MySpace c'est. Ouh. Ah. J'y suis encore, mais je réponds plus aux messages parce que c'est souvent des Anglais, des trucs qui m'envoient des messages bizarres. Mais sinon, c'est à forte poitrine des Anglais, à forte poitrine. Voilà, c'est exactement ça, des Conchita Wurst. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ouais, voilà, sur Facebook surtout, c'est Kefyr, s'il vous plaît. Si vous envoyez des messages, mettez un Y. Allez-y, la Nocturne avec Kéfir. On repart sur quoi, Kéfir? Un extrait du EP qui est dans les bacs, celui-ci, là, depuis un mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on met? On met, on va partir sur 4 singes, le morceau. 4 singes à découvrir maintenant. Cheap. Vos réactions avec le hashtag La Nocturne, yeah. Le hashtag Skyrock, le 41759. Kéfir est au contrôle de La Nocturne. Clairement. Cheap à la prod, là. Bra. Damien du 6-3 en voix. Évite de tester, je te l'ai gentiment dit. Je fais pas de sentiments comme quand tu passes devant des gens qui mentent. Des coups de sandales de gladiateurs. Tu crois que tu pèses? C'est un scandale, gars, tu planes comme un aviateur. Son vandale, sale rappeur. Toujours dans la salle, assis près du radiateur. Kicker comme vandale, micro-atomisateur. Je vois que des pâles copies de rappeurs, des acteurs et des sales comiques. À quoi servent l'énergie des versines? Ça paye pas au bout du compte, ils ont pas de face que des vestes et versines. Des coups, peux pas te la faire cool comme Matpo. Cora, ça se gâte trop. Je te jure, c'est mal au dos, t'auras ses touches. Je craque, je suis à cran. T'es pas en sûr, t'es comme un 12 grammes dans une poche. Ou mon flot sur un boom-bap, malgré le manque d'ambition, je tente. Des trucs faits, le score de la pure à bon prix. On est incompris, tant pis si on se plante. Si je fais un tabac, les jaloux mettront un nicopache. Trop de tabac qui va l'ouel ou baf quand le bico tchac. C'est le vie total, t'es son mec, ton faux fignolet. Tes lyrics, tu me portes l'œil bouton, mais on peut ignorer ton mérite. C'est la chat roulette russe, ton PC une boulette de plus. C'est du fat que j'expulse, brûler ta brochette de gus. Garde la pêche, wesh, motherfucker. Comme l'a dit Ellie, je fais ta French touch à la hauteur. Comme l'a dit Ellie, si vous êtes hors norme, hors temps, sachez que je remets tout au tempo. Avec ma coupe au bento, je suis classé hors mode. En hors bord, je vais surfer sur mon vague à l'âme. Balancer du haut de gamme, 30 petits padawan. C'est One Mike, Marshall, Maitrick et le pitre. Wallah, on prend le time pour t'extirper le titre. Leur mort on prédit, c'est impossible de négocier. Pire cauchemar comme Freddy, coup de griffe dans les gosiers. Sierra Mike en égo trip, j'en profite pour laver mon linge. J'écoute, j'raconte, je vois, je suis bien le quatrième singe. Tu doutes, tu crois que la street c'est vraiment comme à la télé. Envie de con et de fêlé, la suite en somme je la connais. Tu rêves de buzz, pour ça tu claquerais ton buzz. Tu renies ta mère, tes potes, tout ça pour vendre ta merde aux gosses. C'est qu'un pan, t'es malhonnête, tu crois tirer les ficelles. Quand la coque te fait malhonnête, t'es bon qu'à gonfler les ficelles. T'es peut-être un gentil con, un jardicône pour les gens qui comptent. Un abruti extraverti pour public averti. Un traître en l'occurrence, un vrai guignol, un bon pion. Coup de chlasse dans l'eau qui pionce. Viens éveiller les consciences, je reste patient. Avec l'espoir de faire confiance. Mais pour braver l'interdit, pour retrouver le bon sens. Sur pas d'inédit, ni coup de tête de Zinedine. Toi qui m'écoutes si t'écris, ne cautionne pas leurs inepties. Et on en a cassé des nuques de petits fils de pute. Je suis vulgaire et ce qu'on voulait me faire taire n'existe plus. Je t'explique le truc, on quitte ensemble, pas de cadeau ni de rap. Allo, 3 de poste pour Adol Mike, on réduit ensemble. J'ai des coups de luxe et donc des potes en or. Je hais les grosses putes de Valence qui ont des potes en tôle. Tu captes, tu t'écrases. Alias, ce que je pense du rap en France, c'est un bordel comme le boule à Zaya. On bouffe dans ton assiette tant qu'elle est remplie. Puis on va voir ailleurs, tu crèves la dalle qui se bouffe entre ton casque et sans pli. Et tandis que je suis méga terrible d'enfoiré, y'a des scènes qui se montent sans tête d'affiche avec ma tête de con d'enfoiré. Ça transpire rien que la défaite, j'ai pas le goût d'effort. Teste pas mon hip hop, boum bam, tout dit fort. Enfoiré, le rap c'est ma vie, enfin je crois. Non, je déconne, je suis qu'un chômeur en fin de droit. Planète rap, 100% rap français. Nocturne, avec Kéfir au contrôle de la Nocturne. Yeah. Mec, y'a un paquet d'esquives que tu m'as sorti. Je fais pas le bonhomme sur un ordi, je vais des claques et des gifles, la horde est sortie. Pourquoi c'est morti? T'es censé mort, je t'envoie dans les cordes ou dans les orties. Je fais du hors-piste, ton torpille, tous tes disques, tes bits, on les torpille. Tout est dit, non, j'ai pas fini avec lui. Tu veux boycotter nos prestations, t'es trop coté dans tes stations, c'est abusif, ensuite ils disent faire de la musique avec passion. Y'a trop de haineux et leur discours est contradictoire. Je passe pour un enfoir et tout dépend qui te racontera l'histoire. Bah ouais. Faut de jaloux, ça me débecte, ils ont pas d'ambition. Disons dans le porra, je suis en mission comme Sam Beckett, je suis un couteau suisse. Je fais dans la polyvalence, reste polybalance où tu boiras quelques gouttes nocives. Je suis pas naïf, tes faces c'est de la pacotille et tout ta panoplie, ta bande de nazes ne fait pas la diff. Y'a que des sales tricheurs, ils ont pas d'ambition. Disons que dans le peurage, je suis en mission comme Sam Fisher. C'est de la purge, te jure, tu peux en être sûr. J'écris des lignes et je suis pas prêt de tirer un trait dessus. Donc si t'as mis flow niveau carbulaire, normal à l'heure qu'il est, il te faut un digo, pas une vodka. Okay. En mode gratteur de verbe, même si je t'élimine, si t'es qu'un rappeur de merde, Médric alias Fanny Betty Bitchy. Brille pour que ça t'arrive pas. J'habite pas la capitale, mais chez moi ça arrive pas. Dis-moi, est-ce que tu me suis? La chance, on peut pas dire qu'elle nous est quittée, on l'a jamais eu. Peu importe où tu vas, du moment que tu sais quitter, je prends pas la grosse tête, je m'expose. Je prends pas la pause, mec, je t'explose. Comme un Afghan en balade au States, quelque chose de lourd qui percute en force. En restant modeste, parce que chez moi, avoir les ch'tis qui hantent, ça s'appelle une entorse. Médric. Samsung, Samsung, Nico Mook, je suis en mission peace, Saul à la Sam Cook. J'en ai saigné des nés, des MC, j'en ai enseigné, va te renseigner. Je suis un vieux de la vieille, qui est même pas te t'aîné. Et nique ta street crédibilité, j'ai pas de classe, une triste débilité. Qu'on ait fait les contacts, les car glace. Ouais, petit dépose les armes, va t'asseoir. Je n'ai pas peur de la guerre et je ne pleure que des larmes de rasoir. déçu de l'être humain, j'irai pas jusqu'à dire mets-toi un doigt, mais peut-être une main jusqu'aux amygdales. Je me dépense et reste en défense à la fois. En crise, je perds pas la foi comme Abidal. Tellement blasé, je me renferme au fil du temps. Les jaloux vont maigrir, ce 16 mesures, c'est le régime du camp. Et pour ceux qui croient qu'on est tous frères et solidaires, les jaloux vont maigrir car quand j'écris, ils ont le verre solitaire. Marshall. Diogène à la prod. C'est la nocturne avec Kéfir avec nous pendant quelques minutes encore, une grosse trentaine de minutes, un peu plus, sur Radio Live dans un instant. Kéfir, yes. Parle-nous un petit peu justement, c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent dans la France entière. Toi, yeah. Tu viens du côté du 4-2, hein, de Saint-Etienne. Exactement. Comment on fait pour sortir des projets? C'est quoi? C'est beaucoup de temps, beaucoup de... Ça doit passer avant tout par la passion, évidemment, mais... Ouais, c'est alors beaucoup de temps. Si possible, faire une psychanalyse avant, tu vois. Et surtout dans le rap, c'est important de préciser. Mais grave. Dans le rap, c'est vraiment important. Et voilà, beaucoup de temps et beaucoup. Tu perds plus d'argent que t'en gagnes. Faut te mettre dans la tête que si tu fais du rap en province, tu perds plus d'argent que t'en gagnes. Ça, je peux te le dire. Les caterings de concert, attends-toi à des vieux sandwichs fromage pourris. Et après le lendemain t'es mort pendant 6 jours. Exactement. Non, c'est vraiment très très très dur. Faut vraiment être un grand passionné. Vraiment un grand passionné pour faire du rap en province. Après à Paris, je sais pas comment ça se passe. Diomaï, faut être passionné aussi, je pense. Ouais, depuis des années de toute façon. Le rap, c'est ça, quoi. Tu kicks. Kéfir, il est là depuis longtemps. Aujourd'hui, hier, il m'a appelé pour son EP, en toute modestie. Puis aujourd'hui, il m'appelle, il me dit, on fait un freestyle à Skyrock. Tout est relatif, en fait, tu vois. Mmh. Ouais. C'est... Bah, en tout cas, voilà. Si on peut donner une fenêtre sur la province, sur les gens comme toi, avec grand plaisir. Ah vraiment. Je tiens à préciser que j'ai pas fait payer 15 000 euros. Hein. 14. Non, pourquoi? Quelqu'un dit ça? Non. Mais... Il nous a fait un prix d'amis. Voilà, un prix d'amis, la Renault 21, je prends. Voilà. Bon, non. Il paraît qu'elle est pas en bon état. C'est ça, juste le problème. Je suis un peu inquiet. Ouais, c'est la durite. Non, mais c'est mort. Elle est morte. J'assure la maintenance. Elle est morte. Et Vicenz, qui est de Clermont-Ferrand, et lui, il est pas mécano, mais il a un bon cœur et il manie bien les forums. Il pourra voir la panne à peu près. D'ailleurs, je tiens à dire, on recherche toujours un mécano du 7-7, Ozoir, hein, c'est ça? Ozoir-la-Ferrière. Ozoir-la-Ferrière ou dans le coin. N'hésitez pas à envoyer un message 41-759. On vous mettra bien, on mettra une pub énorme pour sauver Kéfir, sinon il est bloqué à Paris, il peut pas retourner avec ses potes. grave. Ozoir-la-Ferrière, pour la petite anecdote, c'est là où était le Brésil en 98. Ah. Lors de la Coupe du Monde. Super. Kevin Chenz. Je suis pas sûr qu'ils aient laissé beaucoup de cash. Mais ils aient léché, ouais, c'est sûr. Ah, ça, c'est possible aussi. Bon, c'est Kéfir avec nous. Les messages 41-759. On nous disait, c'est quoi le tout premier morceau de Kéfir passé? Associé du Mike. L'associé du Mike. Et on peut retrouver, alors, dis-nous, Kéfir, où est-ce qu'on peut trouver s'il y a des gens qui aiment ce que tu fais? Yes. Alors, c'est les plateformes de téléchargement. Ils peuvent trouver le EP One Mike. Hashtag 1, ou sinon sur Facebook on a One Mike ou KEFYR ou Geomai, ils peuvent, ou Vicenz, ils peuvent aller chez tout le monde et on saura les rediriger vers nos pages. Très bien, donc allez cliquer, on repart avec un morceau, peut-être deux. Et yes. Après on attaque le live dans un instant. Qu'est-ce qu'on met Kéfir maintenant? On prend les N et on recommence. On prend les N et on recommence maintenant. C'est Diogène et Pyromane à la prod et Médric et moi. Nocturne, Kéfir au contrôle. One mic, le collectif est là. MDRIC. Quand je te dis que je fais du rap, qu'est-ce que t'élevé niveau? Toi tu te représentes un wesh, des célèbres équivaut zéro sur ton échelle socioculturelle. Que son avenir ne vaut pas très cher, même pas le tarot d'un bécherel. Moi je pars avec un handicap à tes yeux, mes origines. En plus monsieur fait du rap et cette musique horripile. Oui je m'automutile et je reste dans cette complainte auditive. Toutes tes contraintes tentatives sont pour nous plutôt utiles. A. Parce qu'on apprend à battre tous tes clichés. B. Est-ce qu'on apprend à berner tes façons de tricher? Elles sont multiples, je les identifie. Grâce aux années, pour toi je suis un basané avec une carte de résident ici. Tu nous invectives, t'es qui toi? Tu crois que t'es futé, tu le vois. Tu ne sais rien faire, tes 10 doigts hormis de dénuder. Tu ne vaux pas plus que moi, et les problèmes c'est toi qui les crée. Au fait, le singe a bac plus 3 avec son cerveau d'illettré. Qu'est-ce tu vois? L'aboutissement de tes représentations. Qu'est-ce tu crois? Que cet arabe menace ta nation. Personne ne mise sur nous, tel un mauvais canasson. On ne tire pas sur l'ambulance, mais toi tu penses que nous la caillassons. Qu'est-ce tu vois? L'aboutissement de tes représentations. Qu'est-ce tu crois? Que cet arabe menace ta nation. Personne ne mise sur nous, tel un mauvais canasson. On tire pas sur l'ambulance, mais toi tu penses que nous la caillassons. Si on lutte, c'est pas pour un bolide aux jantes chromées. La vie n'a pas de prix, la mort a pris trop de gens que je connais. Y'a que des traîtres et ça je te le promets. Trop petit poney, va pas te fondre dans la masse comme un pickpocket dans le chromé. Tomber dans le piège du rap pour ceux qui y ont crucifié. On n'a pas compte à rendre, mais faut constamment qu'on se justifie. C'est pas normal, trop de stupidité. J'attends rien du rap, comme ça tu peux pas douter de mon humilité. Je supporte plus personne, alors je me coupe du monde. Y'a moins de neurones dans leur stylo que sous la coupe d'une blonde. T'en auras pour une plombe si tu veux voir tomber ceux qui veulent te dominer. Trop tard, ils ont déjà peut-être contaminé l'eau du robinet. Viens pas m'embobiner comme une cassette VHS. Si t'as pas de principe, gars, t'es à chier, t'es à chaise. Pour les derniers bons auditeurs qui sont à l'écoute, j'suis pas drôle et j'suis pas drôle. Le succès, j'm'en bats les couilles, tu m'as bien compris. Qu'est-ce tu vois? L'aboutissement de tes représentations. Qu'est-ce tu crois? Que cet arabe menace ta nation. Personne ne mise sur nous, tel un mauvais canasson. On ne tire pas sur l'ambulance, mais toi tu penses que nous la caillassons. Qu'est-ce tu vois? L'aboutissement de tes représentations. Qu'est-ce tu crois? Que cet arabe menace ta nation. Personne ne mise sur nous, tel un mauvais canasson. On ne tire pas sur l'ambulance, mais toi tu penses que nous la caillassons. Le froid se faufile entre les étals d'épices aux puissantes odeurs orientales. Nous sommes en réalité à Lille. Soit on est violeur et on est un délinquant, on est un sous-prolétaire américain d'imitation, hein, c'est-à-dire un rappeur. Je n'ai pas envie de répondre. Vous comprends-moi, moi française. Ok ? Moi aussi. Parce que le rap est une sous-culture, hein, à tel alphabet, vous entendez devant sur le marché la bonne vieille française. Là, ben, on n'a pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Qu'est-ce tu vois? L'aboutissement de tes représentations. Qu'est-ce tu crois? Que cet arabe menace ta nation. Personne ne mise sur nous, tel un mauvais canasson. On ne tire pas sur l'ambulance, mais toi tu penses que nous la caillassons. Qu'est-ce tu vois? L'aboutissement de tes représentations. Qu'est-ce tu crois? Que cet arabe menace ta nation. Personne ne mise sur nous, tel un mauvais canasson. On ne tire pas sur l'ambulance, mais toi tu penses que nous la caillassons. Yeah, Joe Mai, l'addition, le gaucher. J'ai pas fait d'études, j'ai fait du rap. El Gaouli à la prod. La meuf qui fait les rap. Joe Mai. Pour vous manger, j'ai fait trop pied. Joe Mai. On risque de finir étranglés. Joe Mai. Ça peut finir ainsi. Joe Mai. T'as beau écouter le mauvais MC. Joe Mai. Pour faire l'histoire avec des filles. Joe Mai. Ton maître, le gars, je l'ai. Tu veux partir sans payer. La vie te mettra des baffes. Suffit d'une erreur au sauvet. Avec la fille qui fait les app. Je suis ce que je suis et j'ai pas à me sentir coupable. Le prix de la réussite, vous avez une enfance ou pas. La colonisation, c'était quand même sale. Un billet d'avion pour l'Afrique, c'est pas un geste commercial. J'ai payé mes rimes en potes, en femmes, en pressage décédé. Toi, on t'entend pas, tu parles mal, mais t'es mal élevé. La France est tout petite, t'entends le bruit que les carrés font. Seul celui qui finit dans un coffre connaît le prix de la trahison. Langue de pute qui te reste plus qu'à faire le trottoir. L'addition de toutes tes erreurs, t'es dans une merde totale. Pour que l'ardoise s'efface, on attend rien qu'un miracle. Seuls les plus forts survivent ou bien les acars. Rien comme Mouira, ça vaut aussi pour moi et celui qui viendra après. Ça c'est par le bonhomme de celui qui deviendra. J'ai pas fait d'études, j'ai fait du rap. L'addition s'il vous plaît. J'ai check la meuf qui fallait app. L'addition s'il vous plaît. Au lieu de manger, j'ai fait croquer. L'addition s'il vous plaît. On risque de finir estropié. L'addition s'il vous plaît. Parce que ça devait finir ainsi. L'addition s'il vous plaît. T'as boycotté le mauvais MC. L'addition s'il vous plaît. Refaire l'histoire avec des signes. L'addition s'il vous plaît. Se mettre au langage des signes. L'addition. Les temps deviennent difficiles pour ceux qui veulent. un écran en plasma dans chaque pièce. Tu sais l'humain, tu n'es tout simplement pas dans ta tête. J'ai l'air un peu, j'ai l'air hautain. Le but c'est de se payer la belle vie. Interdit aux nègres et aux chiens. Vu sa gueule, le palace vaut cher. Les femmes s'y font inviter, calculatrice à la place du beau faire. Si tout était à refaire, je ferais pas du rap mais les beaux-arts. Personne ne peut rien pour moi à part le directeur des programmes. Est-ce que ça va payer? Dans quelques mois j'en saurai plus. TKO, toujours pas de crew. Victoire rime avec solitude. Sexe, pouvoir, pas que j'en ai pas envie. Disons, les mecs malins meurent dans leur lit, pas en prison. Le rêve américain, tu veux, on te le vend. Je prends juste ma part du gâteau. J'ai plus les yeux aussi gros que le ventre. À quoi sert d'être un gros poisson hors de l'eau? Jackie Lannister, une dette se paye d'une façon. J'ai pas fait d'études, j'ai fait du rap. L'addition, s'il vous plaît. J'ai check la meuf qu'il fallait app. L'addition, s'il vous plaît. Au lieu de manger, j'ai fait croquer. L'addition, s'il vous plaît. Au risque de finir estropié. L'addition, s'il vous plaît. Parce que ça te fait finir ainsi. L'addition, s'il vous plaît. T'as boycotté le mauvais MC. L'addition, s'il vous plaît. Refaire l'histoire avec des si. L'addition, s'il vous plaît. Se mettre au langage des signes. L'addition. Yeah. C'est la nocturne avec Kéfir, avec Joe Mai qu'on écoutait, hein. Yes, Joe Mai, extrait de l'album Le Gaucher, c'était l'addition sur un beat de El Gaouli. El Gaouli, qu'on salue aussi. Yes. C'est Kéfir qui a pris le contrôle de la nocturne. Les gars, il va falloir passer au live maintenant, ouais. Freestyle. Qui vient m'aider pour les instrus? Parce que moi j'ai. Yes, Pierrot. Il y a tellement d'instrus. Pyroman. On commence avec quel instru, les gars? La première. Mais la première, frère. Mais j'ai... Ouais, on voit plein de messages là, il y a plein de gens là, qui demandent plein de choses. Pyroman, on dédicace les gens qui soutiennent. On voit Damien du 6-3, on voit Pien, Sebouné, Jason Moga, Milex Justin, qui dit que c'était donc, une journée de malade sur Skyrock, donc c'était bon aujourd'hui. Quoi. Ouais, nocturne avec Kéfir au contrôle. K-E-F-Y-R. Allez cliquer, allez procurer justement, allez aider un petit peu tout le monde. Yes, quand yes. Tu veux, on envoie le live, vous êtes prêts ou pas? Ouais, nous on est chaud, hein. tout le monde est épais. Pyroman, t'es. On a fait ok. Yeah, ok. Yes. Un. One man. Yeah, ok. Ça fait one mic. Ça fait one mic. One mic. One mic. One mic. One mic. One yo. Mic. Mec, y'a un paquet d'esquives que tu m'as sorti. Je fais pas le bonhomme sur un ordi. Je mets des claques et des gifles, la horde est sortie. Pour toi, c'est mort, petit. T'es censé mort, je t'envoie dans les cordes, dans les orties. Je fais du hors-piste, on torplit. Tout est dit, tes bites, on les torpille. Tout est dit. Non, j'ai pas fini avec lui. Tu veux boycotter nos prestations, t'es trop coté dans tes stations. C'est abusif, ensuite ils disent faire de la musique avec passion. Y'a trop de haineux et leur discours est contradictoire. Je passe pour un enfoiré, tout dépend qui te racontera l'histoire. Trop de jaloux, ça me débecte, ils ont pas d'ambition. Disons dans le torache, je suis en mission comme Sam Beckett. Je suis un couteau suisse, je fais dans la polyvalence. Reste polybalance ou tu boiras quelques gouttes nocives. Je suis pas naïf, tes faces c'est de la pacotille. Et tout ta panoplie, ta bande de nazes ne fait pas la diff. One mic. Ne fais pas la diff. One mic. One mic. One mic. One mic. One mic. One mic. One mic. One mic. Yeah. Yo mic. Yo mic. Yeah. Que Dieu me fout droit si je m'y tonne. J'kiho, plus rien ne m'étonne. Les noirs on est maudits, je déconne. Bon mic, dernier à la PSP. Black Story X du genre à la clé respect. Arro arrogant, en mode Willy Beeman. Alors tu sais c'est pas tous les chemins qui mènent à Rome, putain mec. Vivre comme un con ou mourir comme un putain nec. J'butine plus d'un mètre pour me sortir de là, je n'ai que l'as de pique. Ton son est dégueulasse, nigga watch, t'explique. Bon à rien dans le précipice. All I did is one mic. One et mic. Ainsi de multiplice, de multiplie de rimes assassines, du long monde assassin. Tuer les gens au max, ça sert à ça, zinc. Un large jean, cuir clair, c'est j'illumine. Mon domaine, je domine de la mine. Les problèmes qui me minent, je ne mime pas la vie comme Chaplin. Yeah. Guy Marshall, yeah. Un large jean, cuir Clark, si j'illumine mon domaine, je domine de la mine. Les problèmes qui me minent, je ne mime pas la vie comme Chaplin. Je bois whisky à chaque spleen, et chaque fois que j'anime une heure, je fais du rap clean. Avec ma dream team, loin de fracasser des vitrines, se tracasser de jouer les victimes, malgré que la vitrine en bref loin de la frime et du crime. Juste deux platines à mic auquel on se frotte jusqu'à la scarlatine. Scarlatine, tu m'imagines dans showbiz, coco plein les narines, en merco, traînant. maintenant une porno star latine. Merde, même ma mère en aurait la rage. Crois pas que je baratine avec elle quand y'a de l'orage. Crois pas que c'est le paradis, je fais pas que du rap, mec. Moi je suis pop, nuance. C'est un style, une culture, chaque jour ma vie influence. De ma casquette jusqu'au basket, c'est une façon de penser, de danser, de marcher, de cracher, de parler, de draguer en clair. Mon cœur bat au rythme de la caisse claire. Sans quiproquo, je dégue du crocodile, je n'ai que les larmes, est-ce clair? Et c'est ça le drame, y a-t-il encore de l'âme? Y a de la merde, y a de la thune, de l'amertume, j'évite leur lame, ouais. Parka sur le dos, breakbeat dans mon Walkman, Fat 4 dans la poche de gauche, dans le sac, un bac de HK. Je me nourris de grosses caisses et caisses claires. J'accouche ma rage avant que la haine en fasse une grossesse. Marche à l'ombre. Pardon. Vas-y, vas-y. Yeah, Vicenz. Ok, ok. Vicenz. Écoute comment glisse mes rimes, car je crée l'hystérie. Je brise des vies stériles et leurs fils débiles. J'écris pas au stylo bitch, au stylo mic. Je vis sans comiconie, comme il office, yo. Je vis sur le fil comme un funambule. Vu qu'il y a plus tant de plumes qu'on boit une enclume. J'ai évité le parcours à cancre, partout sachant que dans mon fusil, je n'ai mis que des cartouches à encre. J'ai bâché là le steak pour faire la vedette. J'ouvre de très larges brèches dans les battle break. J'attrape le bon wagon alors que t'en décroches. Me casse pas les bonbons comme Candy Crush. J'sais pas ce qu'ils ont promis comme c'est physiotomie. Mais moi j'déchire tout comme l'épisiotomie. J'vais pas faire le mort, j'suis gavé de phase. Mélange Valentine, Valenstein et Vlad l'extase. Yeah, yeah. Ok, yeah. Ok, ça fait SP, one mic, one mic, one mic, ça fait SP. Ok, vas-y. Ok, ouais. Yes, ok, ouais. Ok, ça fait j'ai pas en 10 ans que je vais rehausser le niveau parce qu'il est trop faible. Nique les rivaux et tous ceux qui pensent qu'on est trop bête. Je suis peut-être un mec simple, pas connu pour tes oreilles. Mais SP n'a pas besoin de ta charité ni ton oseille. Mon but c'est kiffer, prendre le mic sans peine. Ouais, je t'avoue, c'est mon petit péché. Mignon, je le fais sans gêne. Je suis insolent sur la rythmique, je m'impose aucune règle. Je travaille mon pic et ma technique pendant que tu touches le sgeg. Mais qui peut m'arrêter à rapper quand je suis lancé? Me rattraper, impossible, faut te renseigner. SP au mic. Je te libère de ta douleur, mais tu prends cher comme un ostéopathe. Je te baisse ta carrière, petit Wakim, si pour moi t'es fané. Bats les pattes, sinon moi je vais finir par te les tailler. Et tu voudrais que je m'arrête, mais je te laisse croire. Morale de l'histoire, on demande pas un aveugle s'il veut voir, boy. Yes, boy. One boy. Yeah, yeah, yeah. Marshall, comme j'en chie depuis j'ai plus de taf. La vie est une salope, Kobayashi n'est qu'une tasse. Je noie mon vague à la mais j'estime garder ma ligne de conduite sans louper le virage à la James Dean. Motherfucker, j'perds cette putain de fureur de vivre. Les mots s'écrivent, les miens me tuent comme un brûleur de livres. Pardon, j'livre scabrite ma tête, j'm'excuse. Carton, libre, arbitre, arrête, j'expulse mes idées noires avant qu'elles prennent le dessus. Casse-tête, sale bête, le rebut, ouais ouais. Déclassé, cassé, mis à l'écart, dommage. J'suis qu'un putain de pourcentage statistique, chômage. Évite péter les plombs. Sur un coup de tête, remplir les poches, okay. Pompe. Il paraît que la misère serait moins pénible au soleil. Tu trompes, je préfère vivre riche quitte à passer 10 ans à l'ombre. Hein? Ce serait pas plutôt ça la bonne cogite? J'ai des idées noires comme l'éclair d'un lascar qui tourne cochite. Et je m'en bats les couilles en fait, ma gueule. Ma gueule. Et je m'en bats les couilles en fait, ma gueule. Ma gueule. Et je m'en bats les couilles. Ma gueule. Ma gueule. Yo, je manque de temps. Ok, ok, ok. C'est one mic, les gars, vous êtes chaud. One mic. Ok. Check les blagues. Yo. Bon. Yo. K-E-F-Y-R. Check. 1-1. 6h30. 6h30. 10h30. Yo, yo, 6h30, mon réveil sonne prêt pour aller à l'école. J'enfile mon sac, mes baskets et je décolle. Arrivé dans la rue, je me dirige vers l'arrêt de bus. Toujours les mêmes gueules, seulement 2-3 gus en plus. 7h40, mon car, comme d'habitude, est en retard. Je trouve une place au fond, comme d'hab, toujours à l'écart. Arrivé devant lycée, il doit être 8h10. Je passe dans le bureau du conseiller, suis de la directrice. Direction permanence, après une leçon de morale. Vu le nombre de mes absences, c'est normal qu'il râle. 9h, ça sonne, ça y est, me dirige en cours. Je frappe avant de rentrer, je regarde la classe et je dis bonjour. Plus de place au fond, comme un bouffon, je me mets tout devant. Je n'ai pas ma leçon, j'ignore ce qu'ils font et je baigne dans le néant. 10h, enfin c'est l'heure de la récréation. Pour moi c'est le bonheur, un petit quart d'heure de discussion. Docteur Kéfir, Mister Cafard. Un qui arrive à l'heure et l'autre qui est toujours en retard. Docteur Kéfir, Mister Cafard. Un qui a la classe et l'autre est super ringard. Check. Yeah. Yo Mike, yeah. Joe Mike. Mike. Mike, One Mike. Joe Mike à la prod. Yeah, yeah. As-tu entendu? Je ne me positionne jamais en tant petit. C'est hostile quand le chic est au retenti. Fabricant, c'est mon signe. J'suis le gars qui maîtrise le dirty qui vient des Noisy. Les MC, pu, pack sous les aisselles. J'ai l'esprit tout pack. Gardez l'âme sous le Sam, sous le mais j'essaye. La concurrence, elle ne peut me doubler. Chicky Joe, my NW, NW, hey, hey. Pour tous mes gars qui tous les soirs charbonnent, annoncent notre arrivée. Comme au Madison Square Garden. Tu m'aimes pas, c'est toi que ça regarde. Mais Renoir trouve ça bad. Le grand écart, nous on t'éclate fois deux. En maison de 10, ça fait tout le temps le bouffon. Je dessine les MC qui droit en troupeau de moutons. Je dessine un avenir pour mes semblables. Il suffit pas d'avoir la peau noire, de faire genre que t'es là pour moi. Je vis comme James Dean, and comme Gengis Khan. Une chose est sûre, on pira mon style sans gêne si je calme. Yeah. Ok, yeah. Joe Mike, Joe Mike, le gaucher. Le gaucher. Un SP Mike, Marshall Eugène, le bloc de Nico. Un, yeah. Un. Ok, deux N. C'est okay, le moins okay. Mike, les gars. Yes, yeah. Qu'est-ce yeah. Pimp. Yeah. Yeah. C'est qui Kik, là, Joe Mike. Ok, Marshall. Ok. Marshall. Vas-y, marche. Vas-y, kick ça. Yeah. Yeah. Ok, on discute pas les goûts et les couleurs. Beaucoup de coups pour l'heure. Je rappe pour ceux du fond de la classe et les souffres-douleurs. Les incompris ou ceux qu'on juge un peu trop vite. Méfie-toi de l'eau qui dort. Si je fais le dorant, demande-toi qui ce jeu profite. Avec moi, garde tes grandes phrases. Joue pas le grand puriste. Je m'en bats les couilles comme un aveugle dans un camp nudiste. Je crache ma haine, j'avoue que ça soulage. Quand tu dis nique la France, ta mère, je lui fais l'amour à la sauvage. Mon père m'a toujours dit de pas cracher dans la soupe. Où va ce monde? Demande à celui caché dans la soute. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pas dit qu'on en jouisse. Je rêve d'éclater un VIP, vider son compte en Suisse. Et que tu sois de Marseille, Lyon ou que t'habites à Paris. La politique c'est que de la baise, la chatte à Rachida Dati. Bâtard, tu peux me traiter de fils de chien dans ce monde sans merci. Pour ma part, je réponds plus de rien. Non. Marche à l'ombre, okay. Les gars. Ok, Vichen. Yeah, Vichen. Yeah, ok. Yo, K-E-F, il a guerre. Ça fait. Yeah. Vas-y, yeah. Ça fait, ça fait, ça fait. Yo, je manque de temps. Comme t'as pu l'entendre dans mes récits, un poil dépressif. Il suffit d'un cil pour que je te rentre dedans. Je n'ai pas la maîtrise de mon caractère. Je finirai seul, très triste et grave à terre. La traîtrise, mais grave amère. L'humour pour bouclier, sache que je me réfugie. La huile, le spin, je régurgite, mais j'ai le jour pour l'oublier. J'attends le marchand de sable, son sac est rempli de regrets. Ses grains ne sont pas vendables et j'ai peur de ce qu'il procrée. Je n'ai pas la science infuse, donc excuse-moi si je me trompe. Les bras m'en tombent et je tremble. Quand la confiance use, j'affronte mes peines en me disant que demain tout ira. Seul avenir nous le dira, mais tout est, je suis qu'un fou qui rappe. Comme Dimitri, qu'on est incompris, tant pis si on se plante. Les petits gandis dandinés se plaignent de leur vie trop lente. C'est vrai que j'ai grandi tandis que d'autres sont devenus adultes. Je suis qu'un abruti qui reste en vie, help me sinon chute. Je suis dans un tourbillon animé par la colère. Je peux faire voler des molaires, trop de nerfs dans ce trublion. Et tous les fous diront que je suis un peu borderline. J'aurais dû mordre la life au lieu des roupillons. Je suis un mauvais élève qui hausse énervé. Face au prof qui part au taf avec des insultes pour le boss trop près des lèvres. Laisse tomber, tu peux me juger, je dirais pas que t'as tort. Face à la vie et mes échecs, je suis loin d'être un gladiator. Nos carapaces souvent vernis par la fierté. Si la rage l'a pas emporté, ça veut dire que nos cœurs ramassent. Le temps tourne et on se demande où on est tombé. On s'est trompé, on veut changer mais on n'a pas le temps pour. On est dans le tambour de la matrice. Ce qui nous entoure te fascine, mais le rap est un art vaudou. Scrute les vautours, ils te font signe. Même la réussite est spéculative. Et tu vas apprendre qu'ici, ton moindre petit pécule. Ok, Vincenzo MIC, dédicace à la team end of the week. Ok, et c'est yeah. Comme ça, y'a plein d'écoles, les rap contenders et tout ça. Okay. Yes, Vincenzo. Ah. C'est la fin des faibles si je rapplique sur ce beat end of the week. Les wack MC panique pour les 20 piges d'Illmatic. J'ai pas vu le temps passer, je suis un vieux de la vieille. Mais comme c'était hier, je ne suis que vieux de la veille. Je me suis pas adouci, ce coup-ci c'est ça le souci. J'empile les titres et ça génère des jalousies. Ils déprimeraient sur face B des primo. Je reste le plus petit en San Pellegrino. Comme je suis MC, y'a rien d'insurmontable. Grave comme j'assume mon grade à cap ou instrumental. Je viens des versets qui sont un peu fous. Exercés ou RC, 1-1-E-O-W. Je suis pas le gangsta rappeur de base. Mon thème narrateur de phase et déflagrateur de naze. Yo, je me révèle face aux pitch aux acteurs qui vivent de la peur. Pour qu'il y ait des Spider-Man, faut des Peter Parker. De l'intérieur, je domine sans les pulvériser. Mais comme Poutine. routine, je vais les ukrainiser. C'est la brutalité de l'actualité. Mais comme Johnny, ça leur est parvenu à l'idée. Alors je suis là d'entrée de jeu, rien ne sert de tenter le feu. Mais qu'ils crèvent, j'en rêve et j'en fais le vœu. Car c'est falche, putain, il serait temps qu'ils se tirent. Quand j'arrive, méga vision de Champions here. Donc je fuck les pestiles, Nelly Holson. Big up, Karai, Kerry Matt et Nicholson. Avec les gars du End of the Week, on dégomme le beat. Alors partagez, prendre ce titre dans des tonnes de tweets. Hey, on te Joe Mai. Chicky Joe Mai, One Mai. Yeah. Ah, changement d'astré, c'est reparti. One Mai sur Skyrock. Yeah, Chicky Joe Mai. Ouais, yeah. MC de la résistance, c'est pas évident de taffer. Yeah, Chicky Joe Mai. Yeah. MC de la résistance, c'est pas évident de taffer. Bonheur à l'horizontale et les jeunes vivent dans le passé. J'étais pas si méchant, laissant passer mes chances et je m'en doutais. Rockstar qui ne ravageait pas les chambres d'hôtel. J'ai tracé ma route, morveux dans le crew. Quand on est trop nombreux, y'a pas de quoi casser la croûte. L'illusion, elle m'a bercé. Spermatozoïde, clan, comment leur dire que je savais que je serais seul à percer. On attendait un signe, un coup de pouce. Des rimes tranchantes comme des lames, maintenant comme des larmes, elles coulent toutes seules. Est-ce que de platine, pas de plaqué or. Ça fait 10 ans que j'ai l'air d'en avoir 20. Chicky au maclé hot. C'est moi ou c'est le sort qui s'acharne, moi le petit prince. Et mon dieu, dessine-moi une porte de sortie. Poule mouillée quand vient la pluie. Moi le passé m'a rien appris. Je deviens mauvais comme Anakin. De 96 à 2013, j'ai rendu justice au rap. Même si celle-ci a deux vitesses. Chicky Joe Mai, on t'aimait beaucoup. J'étais trop occupé à faire des bons morceaux pour flairer le bon coup. Yeah, one mic, you're my one mic. One mic, et quand je dis one mic, vous dites one mic. Et quand je dis one mic, vous dites one mic. Et quand je dis one mic, vous dites one mic. Et quand je dis one mic, ok, vous dites one mic. C'est notre tempérament, c'est pas un vice, mec. À quoi sert d'ouvrir ta bouche si c'est pour insérer une disquette? Non, mais sérieusement, chez moi, celui qui parle très peu, ça ne veut pas dire qu'il est triste ni même hésitant. Chacun a le doigt à sa porte. Mais la nôtre reste fermée au loquet de porte. Nous sommes pas fous mais bien conscients. Il faut agir au lieu de parler. Donc si tout le monde agissait de telle façon, faut être... Ah, je me suis loupé dans mon texte. Mais c'est pas grave. Je t'envoie des putains de vibes. Vas-y Kéfir, s'il te plaît enchaîne. Vas-y Kéfir, s'il te plaît enchaîne. One mic, ma gueule. Oh là là là là, là. Ah celle-là elle est chaude. Aïe aïe aïe. Ok. Marche à l'ombre. Kick-moi ça. Comme tu sais faire. Yeah. Marshall Long. Comme tu sais faire. Marshall G. Blige. Ok, j'ai fait du plomb dans le crâne, j'ai pas perdu 21 grammes. C'est respectable, j'ai revendu mon arme au diable, ouais. J'parle fort, n'ouvre pas, sinon c'est point final. Écrire du sale, c'est mon lavage de cerveau, ouais, c'est machinal. On ne masque pas l'odeur de la merde, ad vitam aeternam. Les belles paroles à l'autre rose n'habitent pas mes termes. J'avoue, souvent tenté, souvent j'ai succombé. Mais que c'est bon parfois de foutre le bordel dans un couvent. Tomber sur un os, c'est le quotidien de ceux qui ont la dalle. On tabat pour ce que tu dis, alors j'dédie à ceux qui n'ont pas de balle. Laver son linge sale en famille, ok, ça fait tâche. Si on vous sert du réchauffé au rez-de-chaussée, j'vous attends à l'étage. Les conneries, on en fait, on en paie les pots cassés. La connerie humaine est télévisée et même podcastée. De notre situation, je sais plus s'il faut pleurer ou rire. J'ai peur que mon fils un jour me dise qu'on nous étions les pires. Bordel, ok, marche. Vichens, ça change de prod. Oh là là là là là. J'y vais. C'est un caviar, tout ça. Oh, ça, c'est un caviar. Qui ça c'est moi, c'est WAM. Ok, yeah. Vichens. Biggity wesh, poto. Je suis toujours là avec mes gaméros. Plus efficace en attaque que Kevin Gamero. Ton arrogance, tu peux le carrer au cul, carrer au corps. Vaincu, tu pars pour l'aéroport. Avant que les rappeurs falchent ne me fassent trop honte. Je lâche des rimes si lourdes qu'on m'appelle mastodonte. Je donne des punchlines en clash, mais ça fait nos monnaies. Ça prouve seulement que je suis de ces MC phénoménaux. Ouais, j'ai grave du toupé quand d'autres bavent leur couplet. Dégrave ma troupe, hey, ils savent me trouver. Je suis prêt à en découdre au microphone et à rendre tous les coups qu'il faille aux autres. N'en dis pas tant, fils, attends. Mets-toi dans la file d'attente, ou vite va-t'en. Je suis comme un raid du GIGN sur ce qui régit les règnes. Tes égéries s'éteignent car mon génie les gêne. Yes, yeah. Ok, c'est le one mic, le gars. Joe Mai, one mic. Yeah, Joe Mai. J'ai pas ouvert une brèche en 10 ans. Si je ne suis pas mort, c'est parce que je m'inspire des légendes vivantes. Je fais tomber les têtes, mais aussi les masques. Peu ça se perd de Scarface, bref, c'est la magie du cinéma. Rapper à quoi ça sert, on est al dealer. Rapologiquement, je m'inspire des serial killers. Précieuse, liberté d'expression. Tu m'empêches de tous les légendes, je m'inspire de la prohibition. Yeah, je fuis le désert, j'ai trouvé l'inspi dans la filmographie de Denzel. Mais sans vouloir t'offenser, je m'inspire peu de ton rap, c'est franc, afin d'éviter les fautes de français. La vie, un combat de boxe, y'en a qui aiment. Je m'inspire d'une femme qui me donne la patate, comme Adrienne, la tenacité. Date pas d'hier, vu qu'elle est dans mon ADN, des problèmes d'égo, on en est même. Alors inutile de me raconter ton histoire, ça me fait pas d'effet. Volonté de faire Tony Stark, ils sont tous perdus sauf moi. Si t'écoutes ce morceau, c'est que Dieu m'a laissé le temps de faire une sauvegarde. Yeah, ok, Kéfir. Kéfir. S'enchaîne, les gars. Yo, One Mic, on prend les N et on recommence. On prend les N et on recommence. Yo, ça fait. Yo, je suis conscient quand je te dis que je fais du rap, qu'essayer d'élever niveau. Toi, tu te représentes un wesh wesh, t'es cérébré qui vaut zéro sur ton échelle socioculturelle. Que son avenir ne vaut pas très cher, même pas le tarot d'un pécherel. Moi, je pars avec un handicap à tes yeux, mes origines. En plus, monsieur fait du rap et cette musique t'horripile. Oui, je m'automutile et je reste dans cette complainte auditive. Toutes tes contraintes tentatives sont pour nous plutôt utiles. Ah, parce qu'on apprend à battre tous tes clichés. Parce qu'on apprend à berner tes façons de tricher. Elles sont multiples, je les identifie grâce aux années. Pour toi, je suis un bazar. Avec une carte de résidence ici, tu nous invectives, t'es qui toi? Tu crois que t'es futé, tu le vois, tu sais rien faire, t'es dit toi hormis te dénuder. Tu ne vaux pas plus moi et les problèmes, c'est toi qui les crée. Au fait, le singe a bac plus 3 avec son cerveau dilettré. Au fait, le singe a bac plus 3 avec son cerveau dilettré. Yeah. Ah, yeah. On voit plein de messages, on est bon. Ça fait. J'écoute tes rap, t'es pas crédible comme un graffeur en plein désert. T'envoies des bactéries, mes cactéries, tu voles trop dans les airs. Tu veux un tuyau? Ok, vaille ta farine coulo. J'attends les miens grâce au pal et n'elle ton coulo. Le rap c'est pas évident, mais je crève abscès. Pas étonnant que ton rap fasse sommer un West Abscien. Sa mère, ton rappeur préféré sur ta playlist. Et toi avec, elle est remballe ta rime et rentre à la messe. Trop de comiques dans cette musique à faire du bis, des featuring, la merde horrible, c'est pathétique. Wesh, vous me coupez l'appétit, y'a trop de mythos sans déco. Ils veulent tes peaux, les font que pleurer, tu les connais. C'est Romain, du rap français, hein. Mon nom c'est SP, dans ta face B. C'est comme ça t'aspect, on juge un homme à ses valeurs, pas son aspect. Le rap c'est bien quand c'est authentique. Ouais gros, alors apprends à pisser droit avant de faire des wesh yo. Wesh yo, wesh yo, wesh yo, wesh yo, wesh, wesh, wesh, wesh, wesh. Yo Marshall, Marshall. Ok, j'kick, j'kick ou tu la kick. Valence. Oh là là là là. Oui. Ouh, homme de l'ombre. Homme de l'ombre. Marche à l'ombre. Marche à l'ombre. Normal. Marche à l'ombre, homme de l'ombre. Vas-y. Ok. J'écris des 16 au coin du feu, mon rap une évidence. On se demande pas de qui je parle si je dis la main de Dieu. Je suis qu'une espèce de connard, ouais. Plus criblé de dettes que de balles dans le corps de Pablo Escobar. Et faudra bien essuyer l'ardoise. La fortune ne fait pas le bonheur, on en reparle si un jour je la croise. En attendant, je vis les 5 premiers jours du mois. Après ces dettes, je suis comme Ken le survivant. Tu vois? Et je gratte des 16 pour me calmer les nerfs. Ouais, et je rêve d'argent à jeter par les fenêtres. Mais si le goût de la vie m'écœure, il se pourrait que je m'y jette. Genre nuit d'ivresse, hôtel, drogue, Chet Baker. Je suis qu'un sale blanc comme les chèques que je signe. Violent comme les faces B que je saigne. Et je vois la vie comme une belle femme au corps de rêve. Au bout d'une corde, j'écris des 16 aussi froid que la mort. Yo mes gars, faut des gros dégâts dans les beaux dégâts. Et si par mes gardes, y'a des hooligans, nous on les gaz. On s'égare, c'est des mots si graves, monte au cigare. Je suis médico légal, qu'on bodybag ton bodyguard. Je rappe dans une folie barge, ils sont ex. Moi je suis excellent et dès que je fais des roulés boulés dans les temps de coups de boule en t'étant ma houle sous le ratant les gens. Mais quand les poules auront des dents, allez faites étaler les vallées, peuvent parler des balais, s'emballer et râler, donne pas égaler mon balai, c'est mal, non, c'est pas mal, c'est ma manière d'être. Je fais pas de bise au business car je veux pas d'herpès. Cherche pas de sub pour de l'assistana. Fuck l'industrie du disque, je suis dans l'artisanat. Passez activement, assez rapidement. Ici on ne tolère pas, pas de récal citron. Yeah, ok, Kéfir, One Mic, one en direct mic. De la nocturne. One mic. Le One Mic, c'est one le mic. Joe Mic, Vincenz, Marche à l'ombre, SP, Kéfir. On est tous là, Diogène et Pyromane. Joe la nocturne. Yeah. Joe Mic, balance ça. One mic. Yeah, yeah, Chiki Joe Mic, Chiki Joe Mic, One Mic, One Mic, yeah. Chiki Joe Mic. Yo my, one, my, one, my. J'ai fait d'études, j'ai fait du rap. L'addition s'il vous plaît. J'ai check la meuf qu'il fallait app. L'addition s'il vous plaît. Au lieu de manger, j'ai fait croquer. L'addition s'il vous plaît. Au risque de finir estropié. L'addition s'il vous plaît. Parce que ça devait finir ainsi. Si s'il vous plaît. Yeah, yeah, yeah. Rien que t'es le mauvais MC. L'addition s'il vous plaît. Yeah, yeah. Tu veux partir sans payer, la vie te mettra des baffes. Suffit d'une erreur au Sofitel avec la fille qu'il fallait pas. Je suis ce que je suis et j'ai pas à me sentir coupable. Le prix de la réussite, vous avez une enfance, nous pas. C'était quand même sale. Un billet d'avion pour l'Afrique, c'est pas un geste commercial. J'ai payé mon rap en rime, en femme, en pressage de CD. Toi on t'entend pas, tu parles mal, mais t'es mal au CV. La France est toute petite et mal au brique, la guerre ils font. C'est la mec qui finit dans un coffre, connu le prix de la trahison. Langue de pute, il te reste plus qu'à faire le trottoir. L'addition de toutes tes erreurs, t'es dans une merde totale. Or que la doigt s'efface, on attend rien qu'un miracle. Seuls les plus forts survivent ou bien les actes. Rien comme Mouira, ça vaut aussi pour moi et celui qui viendra après. Ça c'est par le bonhomme de celui qui viendra après. J'ai fait du rap, l'addition s'il vous plaît. J'ai check la meuf qu'il fallait app. L'addition s'il vous plaît. Parce que j'ai fait croquer. L'addition s'il vous plaît. On risque de finir estropié. L'addition s'il vous plaît. Parce que ça devait finir ainsi. L'addition s'il vous plaît. T'as boycotté le mauvais MC. L'addition s'il vous plaît. Pour faire l'histoire avec des signes. L'addition s'il vous plaît. Se mettre au langage des signes. L'addition s'il vous plaît. SP, one mic. Tu veux foncer dans le tas, t'as même pas idée. Les gens se moquent de toi et portent le même jugement à l'arrivée. One mic, c'est le crew. Deuxième le EP. One mic, solo. Yes. One mic, c'est le crew. Le EP, c'est hashtag volume 1. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement. iTunes, Amazon. Yes. One mic, O-N-E-M-I-C. K-O-F-Y-R. Freestyle lourd dans la nocturne. Toute l'équipe du One mic et la Dio mic. Là, c'est SP qui balance. Yes. SP. SP à toi. J'attends que ça part, boy. Attends, ça vient, ça vient. Ça fait. Ok. Tu veux foncer dans le tas, t'as même pas idée. Les gens se moquent de toi et portent le même jugement jusqu'à l'arrivée. J'suis pas parti dans les temps, j'suis désolé, j'reprends, yeah. Tu veux foncer dans le tas, t'as même pas idée. Les gens se moquent de toi et portent le même jugement à l'arrivée. Que des susboules, des mangeurs de chips qui n'attendent qu'une seule chose, que tu perds ton équilibre. J'en ai vu des vertes et des pas mûrs. Que des mecs sans burnes, sans valeur, sans veste, qui n'en branlent pas une. Sérieux les mecs, oh. Arrêtez de vous prendre pour je sais pas qui quand vous êtes rien dans votre ville, soyez honnête. Faux, pas déconner, trouvez une alternative. Casser les couilles au monde, c'est pas un job ni impératif. Plutôt une maladie, oui, oui, une maladie. Quand le poteau réussit, lui dire c'est bien, toi t'as du mal à le dire. Et sans scrupule, tu vas chicra dans son dos. T'es qu'une merde à la limite du ridicule. Des mecs comme eux, j'en connais des tonnes. Et si je m'arrête à ça, je me jette comme les employés de France Télécom. Ça m'en touche une, sans bouger l'autre. Une, sans bouger l'autre. Une, sans bouger l'autre. Ouais, ouais, ouais, ça m'en touche une, sans bouger l'autre. Une, sans bouger l'autre. Une, sans bouger l'autre. Marshall. Le courage, c'est quand t'es le seul à savoir que t'as la trouille. Mais si tu mouilles trop, bouge, n'attends pas que t'aies la rouille. Parfois faut faire un choix, vivre lâche ou mourir jeune. Moi j'ai l'âge de mourir seulement sur ma PlayStation. Ouais, et je m'en tape de comment tu me perçois. Tant que je brille aux yeux de mon fils et qu'il sourit en me montrant du doigt. Ok, on s'acharne quand la bête est blessée. Je donne pas de leçon de vie, elle le fait mieux que moi. Baiser, et t'étonnes pas que les ados glandent en cours. Ils adorent au concours, ils sont déjà plus durs que mes abdos pronambours. Et au McDo, ils rêvent du magot de Bétancourt. Ils sont prêts au braco, quitte à prendre 20 ans pour. Putain, certains s'écartent du bord. À trop vouloir brasser ce noix, parfois poussé par le propre garde du corps. Là, beaucoup n'ont pas lu l'astérisque. Ok, c'est à tes risques et périls. Ma gueule, à tes risques et périls. Ma gueule, à tes risques et périls. Je suis entraîné, je suis trop entraîné. La boxe, c'est comme la France, droite, gauche, enchaînée. De gêner, je déchaîne trop de matos. Les frères Bogdanov auront le menton un peu comme Mastroff. Ok, je voulais juste enchaîner une improvisation. Allez, je voulais passer le mic, remarque la climatisation. Elle fonctionne pas encore ici, le niveau est trop chaud. Avec Vincenzo, y'a le 42, le 6-3 poteau. Avec Adio Mike, il est là, juste à ma droite. Vincenzo Mike, et je te mets des gauches et puis des droites. Putain, c'était trop facile, ouais, tu diras, c'est le même mot. Le mec, il improvise pas trop bien pour ce Skyke Euro. Ok, je fais les impro en verlan, je pourrais enchaîner. Encore, je suis comme ça, tu l'as vu, moi, je suis déchaîné. Vas-y, Fred, passe la truc d'après qu'un mec prenne le relais. Vincenzo Mike, moi, j'ai des forces frappes, gros mollet. Aïe. Oh là là, il est chaud, Vincenzo. C'est pour Médric qui est pas là. Ah, doucement. Yep, bien vu, Médric, big up. M-E-D-R-I-C. Yes, poto. Yo, on pense à toi. One mic, c'est le crew. À deux N, one mic. Sur iTunes, allez, pécho, le EP. Merci Joe Mike, le gars, page Facebook là, one mic. Yes. Vous avez tous Facebook là, les mecs. Yo, yo, à chaque coup dur, c'est les coups de blues qui s'étoffent. Comme tout, je m'en étouffe, camouflé de sales coups durs à coup sûr. Je suis sur le podium des jeux FIFA, car aujourd'hui je me rabaisse face à trop d'hommes forts en surface. Je veux réussir, fonder un foyer, je veux tenter tout ça. Pas l'intention de m'apitoyer, je pense au noyer de lampe et tout ça. Ma vision est floue, mais mes idées restent clairvoyante, j'ai décidé de guider tous mes rêves en terre gagnante. Je suis pas un Golgoth, j'affronte mes obstacles prolétaires. Je peux t'épauler frère avant que ta déchéance se colporte. J'ai frappé à tant de portes, toujours déçu par le résultat. J'ai plus la force de courir et pourtant j'enclore. J'accepterai l'échec une fois reclus dans mon vide amer. Déjà t'es du petit mec sur la vie de ma mère. J'ai plus d'une discorde à mon arc, pas prêt de changer d'un iota. Plus de conflits dans le quota et moins de croyance en mon art. Et quand la vie te frappe, c'est dur mais on décide pas. Et quand la vie te frappe, c'est dur mais on décide pas. M-E-D-R-I-C. Écoute ça. Pour One Mic, je lève le poing. La nocturne. Allez. Fred. Yeah, Joe Mai. Kefir. Marshall. SP. Marshall. Allez, ma gueule. One Mic, c'est le poing. Vas-y, photo, je te suis après. Yo. Ah. Le EP, dièse 1. Un petit peu de cuivre là, ça fait du bien. Ouais. Ok, écoute. Tu croises le Romain pour pas que ta femme ne décroise les jambes. Pour info, je compte entrer à grands coups de rein dans la légende. La messe est dite, dur de rester optimiste. Bon testament, je te le rédige sur un post-it, ouais. Vie à fond dans les excès, nique les interdits. Je peux plus me freiner, je me conduis comme c'est pas permis. Et j'ai mon avenir dans la ligne de mire. Je garde un œil ouvert au cas où celui-ci se suicide. Je noyais mes soucis de cœur dans de la sous liqueur. Puis sous, jusqu'à ce que ça m'écœure, je me tapais 2-3 suicides girl. Comportement infâme, même un rugbyman te le dira, le pire des plaquages c'est celui d'une femme. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Facile à dire quand la lame du rasoir flirte avec ton poignet. Deuil sentimental, elles sont toutes les mêmes. C'est plus facile à dire ça que d'accepter que tu l'aimes. Yeah, One Mic SP. C'est une prod. Ouais, c'est une prod. Signé Pyroman. Pyroman à la prod, ma gueule. Ok, vas-y, laisse tourner la prod, que je la décapite. Je te braque Louis, 16 mesures à vue, t'écarchis ce mec qui s'applique. Et je vous emmerde tous, je fais du ménage. Alors faites passer le message ou connectez-vous en Bluetooth. Je suis pas celui que tu désires, comme ta mère à ta naissance. Si tu m'écoutes et plus tu fris, car tu vois que moi je me défonce sur le microphone. Toi tu restes bouche bée, je mets les bouches doubles, sois cool ou va m'amuser avec ta poupée. Je t'annonce la couleur, allume tes haut-parleurs. Je suis pas un beau parleur, c'est juste du son, on prend pas peur. Moi je sais où je vais, si t'es map, je fais que mon boulot. Allume la mic, prends le frappe et va faire coulo. Je veux que tu bouges la tête avec ou sans Universal Music. C'est la passion, c'est le moteur. Moi je fais péter la durite. Je n'attends rien d'autre de ce foutu rappé. Donne-moi un mic, une scène et avec mon crew on va s'en charger. Avec mon crew on va s'en charger. John Mike. Yeah, yeah, yeah, One Mic la nocturne, 100% rap français, yeah. Avec One Mic, yeah. Avec Kefir, présente-nous un peu qui a rappé, Kefir, s'il te plaît. Yeah, alors face à moi, j'ai Marche à l'ombre, aïe, qui vient de Valence. Voilà, c'est One Mic, exactement, Rap Contenders, Punchling, Vincenz, qui vient de Clermont-Ferrand, c'est 9x7, voilà. Pour être bon en géo, faut être bon en maths avec nous. La Connecta. C'est vrai. Après, j'ai Joe Mai. Joe Mai avec le projet dans les bacs. Voilà, le gaucher. Merci. La nocturne. One Mic, merci pour les messages, les dédicaces, ça fait plaisir. Ouais, grave, on a vu des bonnes choses. Là, j'ai SP à ma gauche. Yes. One Mic c'est aussi. One voilà. Mic. Et Kefir. Et moi-même, exactement. Même. Alors, il se passe quoi le 15 janvier au fil? J'ai vu des messages en disant. Le 15 janvier, qu'est-ce qui se passe au fil? Le 15, les gens, ils balancent. Hein. Le 15 janvier au fil, en fait, le fil, c'est une ouais. Salle de salle concert. De actuelle. Ouais, exactement, qui est sur Saint-Etienne. Et on partage la scène avec une rappeuse Quinry qui s'appelle Gaveline. Et un rappeur de la région stéphanoise qui s'appelle 12 mai. Et voilà, le 15 janvier, faut venir. N'hésitez pas, One Mic. On fera le EP entièrement avec même des inédits, etc. Bon, ça sera mortel. À suivre. En tout cas, merci pour cette nocturne. Vraiment, merci. Merci pour l'invite. Yes. Merci à vous. Rappelez peut-être vos adresses chacun ou on peut cliquer pour vous suivre. Alors moi, c'est le 12 rue Jean Jaurès. Oui. Mais là, non, c'est pas cliquer, c'est débarquer en bas de chez toi, en fait. C'est ça qui est bon. Marshall Ombre, Facebook, Marshall, MARSHA2L, apostrophe Ombre. Venez me voir, j'ai des petits bonbons pour les petites filles. Tu es un dingue, tu es un dingue. Tout à fait. Mais petites filles à partir de 18 ans. Oui, oui. Allez, on va dire ça. Allez. Dans la maison, on va préciser. Ok, c'est bon. Sinon, je voulais, avant que tout le monde parle, parce que franchement, quand j'ai dit que je faisais la nocturne, les gens, ils m'ont envoyé des tonnes de messages. Même mon frère, qui m'écoute jamais, hein, Il est jamais, il est venu qu'une fois à un de mes concerts, je lui ai dit, t'as aimé? Il m'a dit, ouais, bof. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était sympa, exactement. Il m'a dit, ouais, je veux une dédicace et tout ça. Donc, je dédicace à mon frère Rabat, son fils Camille, je dédicace à sa fiancée Cynthia, Nordine, Amine et Trèche de Miralu. Je dédicace aussi à Racine Carré qui a envoyé des messages, à David Wab. Je dédicace à Smad, à Médric qui n'ont pas pu venir. Ouais. Franchement, j'envoie un grand big up à tous ceux qui m'écoutent, Cicatrice MC, Midnight, Des Revenants, yes. Jack Herrer, tout le hip-hop lyonnais, Stéphanois, Rhône-Alpin, vraiment tout le monde, je vous big up à tous. Vicenz, je t'en prie. Voilà, pour le hip-hop Rhône-Alpin, puisque récemment l'Auvergne, nous on vient d'avaler tout ce qui était le reste du Rhône-Alpes. On s'en branle. Voilà, mais je voulais juste le dire. Maintenant, je suis parti un peu de la famille, mais c'est comme ça. Non, mais réglez-vous compte entre vous là, parce que. Non, mais c'est cool, voilà. Qui ne saute pas n'est pas. Non, ça marche pas. Merde, pardon, le bide intégral. Si moi je peux dire un truc, c'est. Ouais, vas-y. C'est voilà, j'ai une petite fille il y a 2 mois. Je voudrais lui dédicacer tout ce qui s'est passé. Yes. Ce soir, à ma femme, à ma famille, à tous mes potes Casey, le One Mike, à tous les rappeurs du sud que je connais, parce que j'en connais pas mal, mais je sais qu'ils m'écoutent, il y en a certains qui m'écoutent, et puis voilà quoi, on est là, yes, ce soir. Moi, la nocturne se transforme en toute une histoire. Moi j'ai des dédicaces vite fait rapides, c'est pour Médric qui a supervisé l'arrivée de ses compagnons. Il n'y avait plus de batterie, il appelait tout le monde, donc il est pas là, mais il était là. Ouais, il yes. était là, ouais. Voilà. Et ben, grosse dédicace à lui. Ouais. Merci la nocturne. Et donc Diomaï, on trouve des nouvelles de toi sur où? De tout le monde d'ailleurs, sur DJPim.net. DJPim.net. Parce qu'il est là, il a fait les photos, mais yes. il relie à peu près l'actualité de tout le monde. Exactement. Il n'a jamais boycotté personne, donc s'il y a quelqu'un qui cherche du son R&B, yep. rap, c'est sur DJPim.net. Dédicace à Kobda, Sky Delimit, le label indé. Et merci à Kefir d'avoir pensé à ramener tout le monde. Ça, c'est trop rare. Merci pour l'invite et pour les 2 personnes sur 1000 qui aiment Vincenz. Ben voilà, vous tapez Vincenz sur VIN7Z sur Facebook, vous me trouverez. Pour les 998 autres, ben vous ferez indiquer l'adresse. Et ben merci à vous tous, Kefir, merci beaucoup. Yes, le plus grand big up reste à Fred, Fab. Reste à toute l'équipe, à Aïda qui nous a quittés. Ah ouais, Aïda, non mais attends, elle nous a quittés, mais elle va bien. Hein. Oui. elle est dans le sud, elle profite dans le du sud, soleil. Elle est bien, on lui fait un gros bisou, Aïda. Exactement, et à l'autre Fab que j'ai pas pu voir ce soir non plus, Emery qui était là, Momo, ouais. toute l'équipe, G-Fool, etc. Vraiment, big up à tout le monde. Big up aux gens qui ont envoyé des messages. Merci à vous tous, merci à vous tous. Kefir, il y a eu une grosse pression pour mettre un dernier morceau. J'imagine la pression de qui grosse tu l'as grosse pression. Ah ben. C'est pas une pression, ça a des vapeurs de rhum. C'était vraiment une pression, mais en 25 centilitres. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, j'imagine la pression. C'est Pyroman et Diogène qui sont là, les beatmakers. Donc, yes. gros big up à tous les rappeurs qui sont de la région Rhône-Alpes, Cicatrice MC, Midnight, yeah. Rabat, regarde, je t'écoute, Karim, Elias, tout le monde. Le bloc de Cochon, il dit aussi. Allez, donc c'est 4 singes, hein, c'est ça? Yes, du 4 singes et grand big up à Fléau qui a masterisé l'album, c'est le remix. Merci à vous tous. Merci Kefir. À bientôt dans le freestyle. Avec plaisir. Yes, One Mic. Fléau à la prod. Évite de tester, je te l'ai gentiment dit. Je fais pas de sentiment comme quand tu passes devant des gens qui mendient. Des coups de sandales de gladiateurs. Tu crois que tu pèses? C'est un scandale, gars, tu planes comme un aviateur. Son vandale, sale rappeur. Toujours dans la salle, assis près du radiateur. Kicker comme Vandal, micro-atomisateur. Je vois que des pâles copies de rappeurs, des acteurs et des sales comiques. À quoi servent les nerfs? Je t'éversie. Ça paye pas au bout du compte. Ils ont pas de face que des vestes réversibles. Écoute, peux pas te la faire cool comme Matpo. Cora, ça se gâte trop. Lourd, je te jure, c'est mal au dos. Cora, c'est tout. Je craque, je suis à cran. T'es pas en sûr, t'es comme un 12 grammes dans une penche ou mon flow sur un boomba. Malgré le manque d'ambition, je tente. Des trucs pètent le score de la pure à bon prix. On est incompris, tant pis si on se plante. J'écris au clair de lune. La tête pleine d'écume. Fais un tabac, les jaloux mettront un nicopache. Trop de tabac qui va louer ou baf quand le bico tchatch. C'est le vide total, t'es son mec, ton faux fignolet. Tes lyrics, tu me portes l'œil bidon, mais on peut ignorer ton lyric. C'est la chat roulette russe, ton PC une boulette de plus. C'est du fat que j'expulse, brûler ta brochette de gus. Garde la pêche, wesh, motherfucker. Comme l'a dit Ellie, je fais de la French touch à la hauteur. Comme la vie Ellie, si vous êtes hors norme, hors temps, sachez que je remets tout au tempo. Avec ma coupe au pento, je suis classé hors mode. En hors board, je vais surfer sur mon vague à l'âme. Balancer du haut de gamme, trempe petit padawan. C'est One Mike, Marshall, Médric et le pitre. Wallah, on prend le time pour t'extirper le titre. Leur mort on prédit, c'est impossible de négocier. Pire cauchemar comme Freddy, coup de griffe dans les gosiers. Yeah.

On va du noir dans la Audi, dans la Champagne Raiders. Original et le Audi, nique sa race à tous les haters. Sors un album qui vivra, et les négros vont te cacher. Sors un album qui vivra pas, et les médias vont te lâcher. J'attends que tu sais mis ton péris. J'arrose la foule du game et j'attends qu'ils sont pris ton fleuris. De CD de R au poteau. Double A et qui étale ça, boum. Pablito 2-7. Rap français 100% explicite lyrics. Dans mon secteur, dans la nocturne 100% rap français. Sur Skyrock, nocturne 100% rap français, le son est tellement lourd que ça en a fait péter le morceau à l'instant dans mon secteur. Nocturne avec Dossé, Boy Scout tout de suite sur Skyrock 100% rap français. Après il y a le Chege Squad qui débarque avec Gradure et l'équipe du Nord. Grosse dédicace à Gradure, toute l'équipe du Chege Squad qu'on écoutera dans un instant. Quand ils ferment leur gueule, le bruit que ça fait quand ils ferment leur gueule. Si je suis noir de peau, c'est que je porte leur deuil. Si je suis noir de peau, c'est que je porte leur deuil. Monsieur, fierté et orgueil. Monsieur, fierté et orgueil.

Fin de la nocturne à l'instant avec le morceau d'Ash Magnum qui est passé aussi cette semaine aux côtés de Marine Monster sur Skyrock. Idem, c'est fini pour cette nocturne 100% rap français. Ça débarque dès la semaine prochaine pour un prochain retour de la nocturne. La semaine prochaine, Planète Rap 2021 avec Indila. Passez une bonne nuit, un bon week-end, bonne fin de vacances à ceux qui ont la chance de veiller tard depuis plusieurs vendredis maintenant à l'écoute de Skyrock et de la nocturne. Faut tout reprendre dès lundi. Courage à vous. Il y a le son de Skyrock pour vous accompagner. Et prochaine nocturne dans une semaine. Ciao. Skyrock. Rap R&B en premier. Rap R&B non-stop.